Chapitre 11e. Séparons-nous. C'était au mois de décembre. La neige, qui tombait à gros flocons, s'amoncelait sur les Alpes. Grenoble profitait de son voisinage avec ses montagnes pour grelotter et se couvrir d'une boue humide et glissante. Dans les rues, les passants, drapés dans leurs larges manteaux tout parsemés de givre, allaient et venaient, l'air maussade et transi. Assise dans sa chambre à coucher, devant une énorme cheminée où brûlait un bon feu, Lady Isabelle avait peine à se réchauffer. Elle faisait pitié à voir. Ses dents claquaient et tous ses membres tremblaient en dépit des coussins et des châles dont elle était entourée ou couverte. Les pieds sur les chenets, le corps accroupi et à moitié introduit dans l'âtre, la tête appuyée sur le manteau de la cheminée, elle demeurait immobile et sa physionomie, roide comme la pierre, semblait s'être pétrifiée sous l'influence du désespoir. Elle sortait d'une longue maladie. Elle avait eu une de ces terribles fièvres à la marche fougueuse, qui, lorsqu'elles ne se terminent point par la mort, sont suivies d'un amaigrissement visible, de l'abattement des traits et d'une prostration générale et alarmante. Depuis quelques jours, cependant, elle allait mieux. Elle s'était levée. Elle avait trouvé assez de force pour se rendre dans la chambre où nous venons de la voir. Chambre peu agréable et peu commode, disons-le en passant, aux fenêtres mal jointes, aux portes disloquées et qui étaient ouvertes à tous les vents. Isabelle avait perdu son appétit, et elle ne mangeait plus qu'avec dégoût. Tant qu'elle était là, assise devant le cadre de sa cheminée, ne bougeant pas plus que si elle était morte, son dîner se refroidissait sur une table placée à ses côtés. Elle n'y songeait guère, hélas. Tout en elle paraissait être en proie à cet état d'engourdissement et de stupeur dans lequel nous plonge d'ordinaire une violente douleur de l'âme. Tout à coup, elle tressaillit, et relevant la tête, elle promena autour d'elle ses regards inquiets et interrogateurs. « Qu'entends-je ? » murmura-t-elle. « Serait-ce lui ?»« Ma lady ! » s'écria la nourrice en entrant précipitamment. « Voici monsieur qui arrive avec Pierre. Je vous l'avais bien dit qu'il reviendrait, ma lady. » À cette nouvelle inattendue, les traits de Lady Isabelle prirent une expression étrange. La fureur contracta son noble visage. « du calme !» se dit-elle en elle-même. « Monsieur a l'air bien portant, » continua la nourrice qui, debout près de la fenêtre, regardait dans la cour. « Il vient de descendre de la voiture et le voilà qui monte. »« Vous pouvez vous en aller, Suzanne, » fit Lady Isabelle. « Mais si le bébé s'éveille, alors je sonnerai. » La nourrice s'en alla. Isabelle, dévorée d'une fièvre brûlante, avait peine à se contenir. Toutefois, elle rassembla toute son énergie et parvint à cacher ce qu'elle ressentait. Lorsque Sir Francis Levison se présenta devant elle, il la trouva calme et tranquille, l'air froid et contraint. Il voulut l'embrasser, mais elle, d'un geste plein de hauteur et de mépris, l'obligea à se tenir à distance. Il prit un siège, s'approcha du foyer, et se mit à tourmenter la bûche, à la pousser de ses pieds. « Il faut me pardonner, Isabelle, il m'a été impossible de venir plus tôt. »« Et pourquoi venez-vous maintenant ?» se borna à répondre Isabelle avec le plus grand sang-froid. « Pourquoi ? Comment ? C'est ainsi que vous me recevez après une si longue absence, et lorsque, pour venir vous voir, j'ai bravé les intempéries de la saison. Sir Francis, continua la malheureuse femme, qui par un effort suprême était parvenue à imposer silence à son cœur et à paraître entièrement maîtresse d'elle-même. Sir Francis, répéta-t-elle, je suis heureuse de vous revoir, car en vérité, il est grand temps que nous arrivions à une explication. Je me proposais de vous écrire, votre visite arrive donc fort à propos. Je vais vous parler franchement, ouvertement et sans détour, et j'ose espérer que vous en agirez de même vis-à-vis de moi. Voyons, qu'y a-t-il pour votre service ? Demanda-t-il en affectant un air grave et se croisant les jambes. Je vous le répète, continua-t-elle en fixant sur lui des yeux vifs et perçants, il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir recours à vos subterfuges grossiers, à vos mensonges d'autrefois. Je veux la vérité, la franche vérité. Vous m'entendez ? Parfaitement. Veuillez continuer. Quand vous m'avez quitté, au mois de juillet dernier, vous m'avez donné votre parole d'honneur que vous seriez de retour ici à temps pour l'accomplissement du mariage. Vous n'ignorez pas ce que je veux dire par ces mots, à temps. Lorsque j'ai pris cet engagement, je croyais pouvoir le tenir, interrompit-il vivement, mais j'étais forcément retenu à Londres par des affaires de la dernière importance. Aujourd'hui même, ma présence est encore nécessaire en Angleterre et je ne reviens que pour vous serrer la main. Je compte partir de nouveau après-demain. « Ah bien, » reprit-elle, Vous m'avez trompé, indignement trompé, lorsque vous m'avez assuré que vous comptiez revenir pour le mariage. Vous mentiez en parlant ainsi, et vous n'aviez pas même la pensée de m'accorder cette satisfaction, sans quoi ce mariage vous l'eussiez accompli avant votre départ. Que voulez-vous dire? Ne m'interrompez point, reprit-elle tranquillement, et bientôt vous allez me comprendre. À peine aviez-vous quitté cette maison que l'une des servantes, en rangeant vos effets, découvrit dans une des poches de votre gilet une lettre qu'elle s'empressa de m'apporter. C'était l'un des deux billets que vous aviez reçus le matin même du jour où vous m'avez abandonné. Je le vis à l'écriture ainsi qu'à la date que portait l'enveloppe. J'ouvris cette lettre, je la lus, et j'appris alors que le divorce avait été prononcé. En parlant ainsi, Lady Isabelle ne donnait aucun signe visible d'agitation ou de colère. Sir Francis lui-même en parut étonné. Mais c'était un homme d'un caractère violent et emporté, et la révélation qu'il venait d'entendre n'était pas faite pour le calmer. Il eût mieux valu me dire alors la vérité, fit-elle après un moment de silence. Il eût mieux valu détruire le seul espoir dont je me perçais encore, celui de pouvoir dire plus tard à l'enfant qu'il avait été reconnu par son père. Vous étiez alors beaucoup trop malade et surexcité pour que je m'aventurasse à vous parler de la sorte. Ainsi, continua-t-elle en s'efforçant de calmer encore les battements de son cœur. Ainsi, vous me jugez indigne de devenir la femme légitime de Sir Francis Levison. Écoutez-moi, Isabelle, dit-il avec impatience et en brisant d'un coup de sa botte la bûche qui flamboyait dans l'âtre. Écoutez-moi, répéta-t-il en se levant brusquement de sa chaise. Un homme de mon rang et de ma position a des devoirs à remplir envers la société et il ne peut aller prendre pour épouse une femme divorcée. Une rougeur subite vint empourprer les joues d'Isabelle, mais elle eut encore assez d'empire sur elle-même pour ne pas céder à l'emportement. « Je vous l'ai dit alors et je vous le répète maintenant, répondit-elle, ce n'était pas pour moi que je désirais ce mariage, c'était pour lui, pour l'enfant qui est là, et à qui vous n'avez légué que la honte et l'infamie. » En prononçant ces mots, elle indiquait d'une main tremblante un petit berceau près du lit dans l'alcôve. Sir Francis, appuyé contre le manteau de la cheminée, se chauffait les pieds, ne songeait même pas à se rendre près de la couche où dormait son enfant. « Je suis maintenant, dit-il, le représentant d'une baronnie fort ancienne et très distinguée, et si je consentais à vous épouser, cela me brouillerait avec toute ma famille. Taisez-vous, interrompit Isabelle, et ne vous mettez pas en frais d'excuses, en admettant, ce qui n'est pas, que vous fussiez venu ici aujourd'hui pour réparer votre faute, en admettant que vous fissiez m'appeler dans cette chambre et à l'instant même un pasteur pour nous unir. Cela serait inutile à présent. Il est trop tard, le mal est accompli, l'enfant est né avec une tâche que rien ne peut effacer. Et quant à moi, j'éprouve pour vous une haine si vive que je ne me soucie guère de lier mon existence à la vôtre. Si vous me détestez maintenant, je ne puis que le regretter. Autrefois, il en était autrement et vous étiez très désireuse que le mariage se fît. Rien au monde ne peut à présent effacer ma faute, rien ne peut en détourner ou en amoindrir les terribles effets. « Oh, quant à cela, » fit Levison en ricanant, « c'est tout bonnement absurde. Vous autres femmes, vous y prenez toujours un peu tard pour faire de la morale. Ah oui, vous avez raison de nous vilipender de la sorte, » s'écria-t-elle le cœur navré. « Nous ne méritons que le mépris une fois que nous avons succombé. Puisse mon triste sort servir d'exemple et de leçon à d'autres. Est-ce ma faute si vous avez succombé ? S'écria Levison en donnant un libre cours à sa mauvaise humeur. Non, c'est votre folle jalousie qui vous a jeté dans mes bras, vous ne pouvez le nier. Oui, vous avez raison, continua-t-elle en le regardant d'un air égaré. Oui, c'est la jalousie qui m'a perdu. Et cette jalousie était ridicule et injuste, laissez-moi vous le dire, ajouta avec intention Sir Francis Levison. Qu'entendez-vous par ces paroles ? Demanda-t-elle en tremblant. Oui, vos soupçons étaient injustes et sans fondement. Oh, abrégé, je vous en supplie, vous me faites mourir. Eh bien, sachez que votre mari n'a jamais songé à cette demoiselle Hare. J'en ai acquis depuis la conviction. De grâce, expliquez-vous. Ils se voyaient souvent, c'est vrai. Ils avaient ensemble de fréquents rendez-vous, mais ce n'était point des rendez-vous d'amour. Un secret de famille. Voilà ce qui motivait ces entrevues réitérées. Lady Isabelle écoutait la bouche ouverte et les lèvres pendantes. « Et ce secret, balbutia-t-elle, le connaissez-vous ? Ma foi, non. Je n'étais pas leur confident. Cependant, j'ai lieu de croire qu'il s'agissait d'un événement fort désagréable survenu dans la famille. Carlyle était chargé de l'affaire et Madame Hare, ne pouvant aller le consulter elle-même, envoyait sa fille à sa place. Et comment avez-vous su tout cela ? Ah, c'est là mon secret. Mais enfin, comment voulez-vous que j'ajoute foi à vos paroles ? Puisque vous le désirez, je vous dirai que j'ai plus d'une fois assisté en cachette aux entrevues que Carlyle avait avec Mademoiselle Barbara, et que j'ai entendu leur conversation. Mais alors, fit-elle en lui lançant un regard plein de rage et de haine, vous avez indignement et lâchement calomnié mon mari. Écoutez donc, fit-il avec un sang-froid imperturbable, en amour comme à la guerre, tous les moyens sont bons. Elle demeura muette et comme accablée en présence de tant d'audace, de duplicité et d'hypocrisie. Sir Francis crut devoir rompre le silence. Puis-je savoir le nom que vous avez donné à cette chose qui est là ? Demanda-t-il en indiquant du doigt le berceau. Le vôtre, répliqua-t-elle avec hauteur. Il s'appelle Francis Levison. Et quel âge a-t-il ? Il est né le 30 août. Sir Francis poussa un bâillement prolongé, étendit les bras et remua les jambes comme s'il cherchait à se défaire de son engourdissement. Puis s'approchant avec nonchalance du berceau, il en souleva la couverture. « Savez-vous, Isabelle, qu'il est superbe, ce gamin ? Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. S'il doit vous ressembler au point de vue du cœur et de l'esprit, s'écria-t-elle avec désespoir, je ne demande à Dieu qu'une grâce, une seule, celle de le laisser mourir avant qu'il puisse parler. Allons, vous n'êtes pas aimable aujourd'hui, Isabelle, et plutôt que de nous chamailler de la sorte, mieux vaut que je vous laisse en paix. Savez-vous si ma chambre est prête ? Ajouta-t-il en revenant s'appuyer contre la cheminée. « Non, elle n'est pas prête. Je suis ici chez moi et vous ne devez plus vous attendre à trouver un abri en ces lieux. Ayez l'obligeance de me donner le petit nécessaire que vous voyez là sur cette table. Je suis trop souffrante pour aller le chercher moi-même. » Sir Francis apporta le nécessaire et le lui remit entre les mains. Isabelle le plaça sur ses genoux, l'ouvrit et en tira quelques billets de banque. « Vous m'avez adressé ces billets par la poste il y a un mois, n'est-il pas vrai ?» « Oui, fit-il en ricanant, et vous avez oublié de m'en accuser réception. » Ces billets formaient ensemble la somme de 1 000 francs. « Oui. Eh bien, les voici. Veuillez les reprendre. Comment les reprendre ? Tout est fini entre nous. Tenez, ne me faites pas ainsi étendre le bras. Voici votre argent. Prenez-le. » Sir Francis prit les billets et les plaça sur un guéridon qui était auprès d'elle. « Allons, fit-il en souriant, puisque vous désirez rompre, rompons. Et par ma foi, tenez, vous avez raison. » « Mieux vous nous séparer ainsi brusquement que de vivre ensemble comme chien et chat. Toutefois, ne pensez pas, Isabelle, que je consente à vous abandonner entièrement, à vous laisser mourir de faim. Je m'engage à vous faire remettre régulièrement tous les 6 mois une somme d'argent. « Taisez-vous, monsieur !» s'écria-t-elle avec colère. « Pour qui me prenez-vous ? Pour qui ? Mais vous ne pouvez vivre sans rien, vous n'avez pas de fortune. Dans tous les cas, ceci ne vous regarde point. » Si j'étais seul, délaissé de tout le monde, si je ne pouvais gagner le pain de chaque jour par mon travail, j'aimerais mieux, oui, j'aimerais 1000 fois mieux tendre la main à mon mari que de vous l'attendre à vous. Ah oui, votre mari, parlons-en, ajouta Levison d'un ton moqueur. Isabelle courba la tête sans oser répondre. Si vous ne voulez rien accepter pour vous-même, reprit Levison, vous ne pouvez du moins m'empêcher de vous aider à élever l'enfant. En vous donnant par an quelques milliers de francs, je ne ferai que m'acquitter de mes devoirs envers lui. « Encore une fois » cria-t-elle en proie à la plus vive impatience. « Je vous répète que je ne veux rien ni pour lui ni pour moi. Et s'il vous prend fantaisie de m'envoyer de l'argent par la poste, cet argent, je le jetterai à la rivière. Ah, vous avez eu beau me perdre et me déshonorer. Il me reste encore au fond de l'âme quelques sentiments de noblesse et de fierté. Je sens couler encore dans mes veines le sang des Mount Severn. » Et en parlant ainsi, ses mains s'agitaient convulsivement et elle fixait hardiment sur lui ses yeux pleins d'orgueil et de dédain. « Puisqu'il en est ainsi, n'en parlons plus. Si plus tard vous regrettez cette folle obstination, vous n'avez qu'à m'adresser quelques lignes chez mon banquier, et alors, de grâce, monsieur, finissons-en » interrompit la malheureuse femme en se redressant avec dignité. « Prenez votre argent et laissez-moi. » Il tira son portefeuille de sa poche et y serra les billets de banque. « Quant à vos effets, reprit-elle, ce que vous avez laissé ici, veuillez dire à votre domestique de les emporter. Maintenant, monsieur, je vous prie de sortir. » « Ainsi nous nous quittons en ennemis mortels, » demanda-t-il. « Nous nous séparons comme deux étrangers, pour ne plus jamais nous revoir. Adieu, Sir Francis. » « Et vous ne voulez pas même me serrer la main, Isabelle ?»« Non, » fit-elle, « cela m'est impossible. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Sir Francis Levison quitta la chambre, et se rendit aussitôt dans une pièce située à l'autre extrémité de l'appartement. Là, il fit venir les deux domestiques de la maison et leur paya à l'avance une année de gage. puis alla trouver le propriétaire et lui remit également le montant d'une année de loyer. Il entra ensuite dans un restaurant, il commanda un bon dîner, et le soir même, il quitta Grenoble avec son domestique, se félicitant intérieurement de ce qu'il était parvenu à briser aussi facilement des liens qu'il enchaîna une femme dont il était depuis longtemps rassasié. Et Lady Isabelle, elle demeura toute la nuit immobile et muette devant son feu. Jamais le remords ne lui parla si haut qu'en cette triste nuit. Jamais le passé, le présent et l'avenir ne lui apparurent sous d'aussi sombres couleurs. Tout le hideux cortège qu'entraîne à sa suite une première faute, une faute aussi grave, passa lentement et en ricanant devant ses yeux secs et endoloris. Son imagination n'avait d'autre puissance que celle de percevoir une longue suite de souffrances, de douleurs et d'épreuves. Qu'était-elle en effet à présent? Une créature abjecte, une de ces femmes que les hommes regardent avec pitié et commisération et dont le nom seul fait rougir l'honnête fille et l'épouse vertueuse. Qu'allait-elle devenir maintenant? Elle était seule au monde, sans amis, sans secours. Pour nourrir et élever cet enfant, pour vivre elle-même, il lui faudrait travailler. Travailler de ses mains. Sans cela, pas de pain, pas de vêtements, pas d'abri. Il lui restait encore quelques bijoux, souvenir d'un père ou souvenir d'une mère. En abandonnant le toit conjugal, elle les avait emportés avec elle, laissant dans sa chambre les autres joyaux que lui avait donnés Carlyle, et c'était là tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle pouvait disposer à cette heure, où il fallait envisager sa situation actuelle dans tout ce qu'elle présentait de sombre et d'épouvantable réalité. Elle les vendrait donc, ses bijoux, elle s'en séparait donc de ses témoins de sa jeunesse et de sa pureté de jeune fille. Oui, c'était là le seul parti qui lui restait à prendre. Avec le produit de la vente, elle pourrait, d'après son propre calcul, vivre, végéter plutôt, quelques mois encore, un an peut-être, mais après, ensuite. Oh ! Une idée vague de vengeance avait jadis traversé son cerveau, en y jetant le feu de la fièvre. Elle avait voulu, le croyant infidèle, faire sentir à Carlyle son ressentiment. Mais quelle satisfaction avait-elle tirée de sa folle conduite ? À mesure que ses yeux se dessillèrent, à mesure qu'elle comprit l'énormité de sa faute, à mesure qu'elle vint à connaître le vrai caractère de ce Francis Levison, dans les bras duquel elle s'était si fatalement jetée, son cœur se serra douloureusement sous l'étreinte des remords les plus poignants. Et ce n'est pas là tout. Isabelle, maintenant, était torturée, non seulement par le sentiment de sa faute, mais aussi, mais surtout, par le sentiment des soupçons injustes qu'elle avait osé former contre Carlyle. Oui, c'était là ce qui bourrelait sa conscience. Ce que venait de lui dire Levison cet après-midi, cette révélation qu'il avait faite touchant les entrevues d'Archibald Carlyle avec Barbara Hare, passait et repassait sans cesse dans son cerveau, éveillant son âme les angoisses les plus terribles du doute. Sous l'empire de ces pensées que lui donnait le vertige, ses paupières s'apesantirent et elle laissa tomber son front sur le marbre froid de la cheminée. Puis ses yeux s'ouvrirent de nouveau et se promenèrent tristement autour d'elle. Ils s'arrêtèrent tout à coup sur un livre, un saint livre tout plein de consolations divines. Hélas, que ne l'avait-elle plus souvent consulté en sa vie, ce livre merveilleux. Un instinct secret l'entraîna ce soir-là à le prendre à la main. Elle l'ouvrit et en tourna quelques pages. Puis son regard s'arrêta sur ce verset « Je ne te condamne point, va-t'en et ne pêche plus à l'avenir. » Elle avait bien des fautes à expier, car jusqu'alors elle n'avait mené qu'une existence mondaine et d'indifférence religieuse. Le repentir, un repentir de tous les jours, pourrait-il racheter ce passé? Ses doigts maigres et tremblants tournaient les feuillets de la Bible en quête d'une parole consolante, puis elle lut « Si quelqu'un veut s'attacher à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Oh oui, elle avait une croix à porter, une croix lourde et pesante, mais elle la porterait sans se plaindre jusqu'à la fin de ses jours, pourvu que Dieu lui vint en aide. Et pour la première fois, depuis qu'elle avait eu tant d'épreuves à endurer, depuis qu'elle avait oublié ses devoirs envers Dieu et envers le monde, elle sentit ce soir-là descendre en son âme quelque chose comme une consolation. Et son cœur brisé entrevit, vaguement il est vrai, et dans un avenir encore fort éloigné, l'espérance de trouver la paix et le repos. Dès qu'Isabelle fut au lit, elle s'endormit d'un sommeil calme et paisible auquel, depuis bien longtemps déjà, elle n'était plus accoutumée. Elle eut alors un songe, et dans ce songe, elle se revit à Eastline, se promenant comme autrefois dans le jardin en fleurs, appuyée sur le bras de Carlyle, et entouré de ses trois enfants qui jouaient sur la pelouse. Carla lui parlait tout bas de ses affaires, du vieux deal et de mille autres choses, et en parlant ainsi, il souriait de son sourire doux et tendre. Et tandis qu'elle l'écoutait, un cri vint interrompre la conversation, et ce cri, c'était le petit Archibald qui l'avait poussé en tombant de tout son long sur l'herbe de la pelouse. Oh, le rêve agréable! Oh, la délicieuse vision! N'était ce cri qui réveilla subitement la malheureuse mère et la rappela aux réalités de la vie. Hélas! Hélas! Ce cri qu'elle venait d'entendre dans son sommeil, elle l'entendait encore à son triste réveil, là, dans ce berceau, à côté de son lit, pleurait et gémissait l'enfant, son dernier-né, le bâtard.